toujours là pour la mi-fa, toujours là pour supporter les potes, balafrer l'époque, défausser les portes, ramasser ce que la vie m'apporte et faire en sorte que les miens s'en sortent. Et rien à foutre que tu nous boycottes. Moi je suis toujours là, moi je suis toujours là, toujours là pour supporter les potes, balafrer l'époque, défausser les portes, ramasser ce que la vie m'apporte et faire en sorte que les miens s'en sortent. On n'a pas besoin de toi, ni qui que ce soit. On est de plus en plus et on rigole de moins en moins. Je pense à aujourd'hui, parce que demain c'est loin. Demain, qui sait où je serai, peut-être au frais. Comprendre, j'en profite, refrais. Toujours même refrain, on a faim, on a la dalle. On se contente plus d'un casse-dalle. On veut notre part du gâteau, poteau pesé gros. C'est pas nouveau, on a les crocs, on veut le pactole. Sans jouer au loto, sans prendre un coup de couteau dans le dos. À la base, l'être humain est quelqu'un de bien qui peut se transformer en pourriture pour de la nourriture. La vraie question c'est, est-ce que toi t'assures la couverture de la famille ou est-ce qu'elle crie famine? Est-ce que comme nous, t'es toujours là pour la mi-fa, toujours là pour supporter les potes, balafrer l'époque, défoncer l'époque, ramasser ce que la vie nous apporte et faire en sorte que nos nôtres s'en sortent. Et rien à foutre que tu nous boycottes. Moi je suis toujours là pour la mi-fa, toujours là pour supporter les potes, balafrer l'époque, défoncer l'époque, ramasser ce que la vie m'apporte et faire en sorte que les miens s'en sortent. Et rien à foutre que tu nous boycottes. On a tous fait des conneries, mais peu importe, on vit notre vie et on la vit à fond, lutte en permanence pour pas toucher le fond. J'accorde mon pardon à ceux qui sont trompés à mon sujet, les mêmes qu'auraient juré que j'aurais mal tourné. Au contraire, grâce à la famille, fier et fort, je m'en sors. Pour elle, j'ai bien l'intention de rester dehors. C'est pourquoi moi je vis pour ma famille, s'il le faut, je me sacrifie pour la famille. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Et ouais, bonhomme, c'est la plus grande des richesses, elle est ma force et ma faiblesse, mon bonheur et ma tristesse. Elle est toujours là, quand le destin prend de la vitesse, je peux compter sur elle à cause de querelles de jeunesse. Tout le monde n'est pas uni, ça n'empêche que je suis plus heureux quand elle se réunit et que tout le monde rit, les grands, les petits, tous contents d'être ici. Le cercle familial, un coup il s'agrandit, un coup il rétrécit. On n'y peut rien, c'est la vie. En tout cas, moi, j'ai toujours là pour la mi-fa, toujours là pour supporter les potes, balafrer l'époque, défoncer les portes, ramasser ce que la vie m'apporte et faire en sorte que les miens s'en sortent. Et rien à foutre que tu nous boycottes. Moi je serai toujours là pour la mi-fa, toujours là pour supporter les potes, balafrer l'époque, défoncer les portes, ramasser ce que la vie m'apporte et faire en sorte que les miens s'en sortent. Et rien à foutre que tu nous boycottes.